ايتما ديستما امسليدن ومارك مشلحيد واللي تحبون الهوى تحبون تمازير نسن اراون تقدام يا الرئيس ليغان كاروميد تحبوا امارك مشلحيد الرئيسه كيلي دونفير Moi, Kelly d'Enfer, de père et de mère française, tombée amoureuse de la culture berbère, je dédie ces œuvres à mon public et à mon deuxième pays, et à son réunificateur, le roi Hassan II, que Dieu le préserve. Nikin, Raisa Kelly d'Enfer, Baba Dinagan Irumin, Walani Hubir Amarg Iyishlechin, Artadur, Amargad Iyim Suflid Niu, Tamazir Niu Tisnat, Dougalid Larisman, الخير الحسن ويسين أتنسار أربي يزوت